Encore une bien belle journée glandouille. Tranquille mes mères à la maison. Lessive ménage, le feu sous les nouilles. Au milieu la marmaille à foison. Tous les jours de la semaine elle s'agenouille. Au pied des couches et des biberons. Du mari qui se gratte les orteils. Beuglant quand ça ne tourne pas rond. Et le soir, à chaque fois qu'elle se couche, elle dessine un cœur avec sa bouche. Mais lui deux, dans sa manche, il se mouche. Et brutalement, l'empale avec sa bouche. Amoureuse, elle espère, elle admire ce terrible, insensible bonhomme. Corps d'Apollon sous les yeux de sa fille. Et 28 phalanges écraseuses de pommes. À 15 ans, elle perdit son avenir en rencontrant ce charmant jeune homme qui d'un regard la fit s'évanouir. Un peu comme aujourd'hui quand il colle. Et le soir, à chaque fois qu'elle se couche, elle dessine un cœur avec sa bouche. Mais lui deux, dans sa manche, il se mouche. Et brutalement, l'empale avec sa bouche. Sa copine, qui l'écoute sans doute un peu distraite. Dieu qu'elle est gentille, Marie-Christine, même quand elle fait semblant d'être honnête. Et le soir, à chaque fois qu'elle se couche,